BK FM, premier média certifié de Côte d'Ivoire, selon le programme GTI et CWA 17493. Marc Santé. Marc Santé. C'est votre magazine de santé hebdomadaire avec Barthélémy Kone et ses spécialistes. Marc Santé, c'est tous les vendredis à 15h sur la radio qui va jusqu'au bout du monde. Marc Santé, la seule et unique salle de consultation radiophonique. Mesdames et messieurs auditeurs de la 105.2 MHz, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Max Santé, le laboratoire radiophonique qui vous permet donc d'accéder à toutes les bonnes informations et les astuces en matière de santé. Et aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle, je dirais comme ça, et nous poursuivons donc avec les entretiens au cours desquels nous recevons les spécialistes donc en matière de santé et de communication de la santé. Et c'est pourquoi ce soir nous allons recevoir donc les communicants de la direction régionale du ministère de la Santé, de la couverture maladie universelle, qui viennent nous parler de la CMU, la couverture maladie universelle, qui donc bénéficie aujourd'hui d'une certaine gratuité. Et nous allons poursuivre pour dire que dans une société en quête de justice sociale et d'égalité des chances, l'accès à la santé constitue un droit fondamental. En Côte d'Ivoire, de nombreux citoyens restent encore confrontés à des barrières financières lorsqu'ils cherchent à se soigner. C'est dans ce contexte que l'État a mis en place la couverture maladie universelle, un dispositif destiné à garantir à chaque citoyen un minimum de prise en charge médicale. Parallèlement, la politique de gratuité ciblée des soins, notamment pour les femmes et surtout une certaine catégorie de la société, donc fait partie des priorités. Et pour cela, on saura tout à l'heure les gratuités concernant la carte, la CMU, qui peut bénéficier des gratuités et à quelles conditions. Et donc, c'est avec Mademoiselle Paténon, Diana Evani, qui est chargée de communication à la direction régionale de la santé Beke, et Madame Fofana Mariam, chargée de communication également à la même direction, qui sont là ce soir. Bonsoir, mesdames, bonne arrivée. Bonsoir, monsieur. Alors, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir à cette émission. Alors, tout à l'heure, nous allons parler de la CMU, la couverture maladie universelle. C'est bien cela? C'est ça. Ok. Alors, je vous propose d'écouter cette chanson, le temps de nous retrouver un peu plus allègrement pour parler du sujet. Des retours sur notre plateau, mesdames et messieurs, nous profitons de l'occasion pour saluer dans nos hôpitaux les agents de santé qui se battent jour et nuit pour nous permettre de retrouver la santé. Nous saluons également les convalescents, les malades qui souffrent en ce moment. Nous prions pour que vous retrouviez la santé. Bon vendredi à tous les musulmans. Nous revenons donc sur le plateau avec Mademoiselle Paténon Diana Evani, chargée de communication donc à la direction régionale de la santé Beke, et Fofana Mariam, chargée de communication donc également à la direction régionale de la santé Beke. Alors, mesdames, nous parlons de la couverture maladie universelle qui a été lancée depuis très quelques années déjà. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez déjà d'entame nous expliquer ce que c'est que la couverture maladie universelle? Oui. Bonsoir, monsieur Barthélémy. Bonsoir, Fofana. Merci à vous. Bonne arrivée. Merci. Alors, bon, on va dire que la CMU, c'est une assurance maladie obligatoire pour tous les résidents ivoirien, oui, qui permet de se faire soigner dans les structures de santé publique agréées. Bien sûr. En payant seulement une petite partie des frais médicaux. Oui. Voilà. Ah, ok. Et donc, cela est mis en place depuis un certain moment. Et aujourd'hui, donc, vous êtes là pour parler de la gratuité, une mesure qui a été donc prise depuis un certain moment. Alors, vous allez expliquer, éclairer les auditeurs qui nous écoutent quant aux conditions pour avoir accès à la gratuité ou la gratuité totale. D'accord. Merci, Monsieur Koné. Oui. Je suis Diana Patenon, chargée, oui, de communication à la Direction régionale de la santé. Oui. Voilà, donc, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes aujourd'hui à l'antenne pour, oui, aborder un sujet qui nous concerne tous. Bien sûr. Il s'agit de l'accès aux soins pour tous les Ivoiriens, sans distinction, oui, à travers l'ouverture des droits à la CEMU, qui, oui, est une mesure gouvernementale. Ok. Donc, d'entame, nous vous remercions de nous donner l'occasion, oui, de faire la promotion de la CEMU et, oui, inviter notamment les Ivoiriens à se faire enrôler. Ok. Ok. Et donc, c'est la bien mesure. Noté. Okay. Alors, qui dit cette mesure exceptionnelle? Voilà donc qui a été lancée par le gouvernement depuis un certain temps. Tout d'abord, il faut dire que cette mesure répond au souci du gouvernement ivoirien de, oui, garantir à chaque Ivoirien, oui, des soins de qualité, quel que soit son rang social, oui, car il attache du prix au bien-être de sa population. Oui. Alors, cette mesure exceptionnelle vise à permettre aux personnes du secteur informel déjà enrôlées à, oui, la CEMU, mais qui ne cotisaient pas, oui, d'avoir accès aux soins dans les différents centres de santé publics. Oui. Que vous soyez commerçant, chauffeur de moto-taxi, conducteur de moto. J'allais même demander, effectivement, c'est qui celui qui travaille dans le secteur. Voilà, celui qui travaille dans le secteur, commerçant, conducteur, oui, de moto-taxi, oui, coiffeuse, coiffeur, oui, couturier, oui, paysan, ou même en recherche d'emploi, oui, cette mesure vous concerne. Ok, donc ça veut dire quoi? Que ces personnes, lorsqu'elles se rendent dans un hôpital, les soins sont gratuits, c'est ça? Il y a deux catégories. Deux catégories. Oui. Allons-y. Il y a deux catégories. Quand vous êtes dans une zone rurale, vous, oui, habitez dans les villages, les petits campements, oui, les soins sont totalement gratuits, c'est-à-dire 100% vous êtes pris en charge. Oui. Et là, c'est dans les CSR. On, oui, parle de centres de santé ruraux. Oui. Maintenant, la deuxième catégorie concerne les populations qui vivent dans les zones urbaines, oui, les villes. Oui. Les gros villages, on va dire, les villages qui ont une sous-préfecture, oui, et puis les villes. Oui. Donc là, vous payez le ticket modérateur qui représente 30%, oui, du coût des soins, okay, que vous allez recevoir. Ah, donc, okay, on va faire un petit calcul. Si c'est 1000 dire... francs, oui, oui, la consultation normalement coûte 1000 francs, oui, vous allez payer 300 francs. 300 francs, oui. Pareil, si c'est 10 000, ça sera 3 000 francs. Ok. Intéressant. Alors... Oui. Donc, pour ceux qui travaillent dans le secteur informel, quand vous êtes en milieu rural, vous ne payez rien. Et lorsque vous êtes en ville, vous payez juste 30% des soins. Des okay. soins. Et alors, concernant l'autre catégorie, je dirais comme ça, ceux qui travaillent dans un emploi bien reconnu, tout et tout, c'est qu'un emploi bien reconnu, ils ne sont pas concernés directement par la mesure. Ils ne sont pas concernés directement, directement. C'est vrai, mais ils payent le ticket modérateur de 30%. De 30%. Voilà, il n'y a pas d'autre traitement. Ok. Cette mesure vise à encourager les personnes du secteur informel à s'approprier la CEMU. Oui. Parce qu'on se dit que les personnes, je veux dire, les fonctionnaires, les employés du privé ont l'habitude des assurances maladie. Oui. Contrairement à l'autre frange de la population du secteur informel qui n'ont pas cette culture-là, oui, voilà, des cadres d'assurance et autres. Donc c'est, oui, pour les encourager, les amener, oui, à s'intéresser. Alors, je rappelle à nos auditeurs de la 105.2 que nous sommes avec la direction régionale du ministère de la Santé de Bekè, donc représentée ici par donc les chargées de communication, des communicatrices qui sont là ce soir pour communiquer effectivement sur la carte CEMU, la gratuité donc pour les particuliers. Et voilà donc qui nous explique en long et en large les détails, tout ce qu'on doit connaître à propos donc de cette carte CEMU. Alors, mesdames et messieurs, sur le plateau, mesdames, voilà, Dites-moi, au niveau de l'enrôlement, comment on fait pour s'enrôler, pour bénéficier véritablement? C'est parce qu'il y a certains qui sont certes enrôlés, mais il y en a qui ne sont pas encore enrôlés. D'accord. Si vous n'êtes pas enrôlé, vous vous rendrez dans un centre d'enrôlement. Oui. Avec une pièce d'identité, un CENI, un passeport, voilà. Et puis, vous suivez les étapes d'enrôlement. Ce n'est pas compliqué. Quand vous arrivez, il y a des agents CEMU qui ont été formés pour vous accueillir, pour vous enregistrer. Ils vont faire l'enrôlement, prendre une photo, vos empreintes, c'est-à-dire des informations biométriques. Oui. Et puis, sur place, de plus en plus, on vous remet la carte sur place. Okay. Et si, pour d'éventuels soucis techniques, vous n'avez pas la carte, vous avez un récépissé. Oui. Et avec ce récépissé, vous allez automatiquement, j'insiste sur le automatiquement, bénéficier des soins. Avant, pourquoi j'insiste sur le automatiquement? Avant, il y avait un délai de carence. Oui. C'est-à-dire quand vous vous faites enrôler, bien sûr, vous devez cotiser au moins une fois ou deux fois avant de pouvoir bénéficier des avantages de la CEMU. Okay. Mais avec cette mesure, quand vous vous faites enrôler et que vous avez votre carte ou votre un récépissé, que vous avez besoin de vous rendre à l'hôpital pour un examen, une consultation, vous vous rendez automatiquement à l'hôpital, même si vous n'avez sans avoir besoin de cotiser. Il suffit de présenter la carte. Il suffit de présenter la carte ou le récépissé et vous êtes pris en compte. Ok. Voilà donc une question qui sort un peu du lot. Est-ce qu'on a une idée de combien on cotise généralement pour la carte CEMU? 1000 francs. 1000 francs à partir de 1000 francs ou 1000 francs simplement? 1000 francs. 1000 francs simplement. Waouh, c'est merveilleux. Alors, quels sont les sites d'enrôlement ici à Boaké, vu que nous sommes dans le Boaké? Quels sont les sites d'enrôlement qu'on peut indiquer à nos auditeurs pour se faire enrôler? D'accord. Quelques sites d'enrôlement. Il y a l'inspection du travail de Boaké. Il y a un site à l'inspection du travail de Boaké. Oui. Il y a un autre au centre culturel Jacques Aka, à l'auberge de jeunesse, au médico-scolaire Dar es Salaam, au CHR et au CHU. Ce sont les gros sites d'enrôlement que nous connaissons. Oui. Voilà. Est-ce que ça veut dire que sans carte CEMU, on ne peut pas bénéficier de ces soins-là? Non. Okay. Je dirais non. Okay. Mais avec le délai de carence qui n'existe plus, vous allez vous faire enregistrer automatiquement. Et, automatiquement, et comme vous l'avez dit, avec le récépissé. Avec le récépissé. Voilà, ça passe. Voilà. Ok. Alors, les médicaments sont-ils suffisamment disponibles pour tous? Voilà. Voilà, donc. Il y a, je crois, à ce jour, près de 700 médicaments qui sont pris en compte par la CEMU. Ok. J'ai cherché un fichier pour citer. Et effectivement. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'on est toujours sur la radio Boaké FM. On suit Max Santé, le laboratoire donc en direct qui donne des informations, les astuces en matière de santé et qui sont très pertinents. Alors, si Kevin, le technicien qui assure la mise en onde de cette émission, peut nous proposer donc un instant de pause, un intermède musical, cela nous ferait donc plaisir. So you're leaving in the morning on the early train. Ici, I could say it feels alright, and I could pretend and say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. I could say that's the way it goes, and I could pretend you won't know that I was lying. 'Cause I can't stop loving you. No, I can't stop loving you. No, I won't stop loving you. Why? Took a taxi Mesdames et messieurs, de retour sur notre plateau. Après avoir écouté Phil Collins proposé par Kevin, le technicien qui assure donc la mise en onde de cette émission, nous revenons pour parler de la gratuité de la couverture maladie universelle et donc cette gratuité sur laquelle les communicants et communicantes, voilà donc de la direction régionale du ministère de la Santé et de la couverture maladie universelle de Gbeke viennent donc communiquer pour informer les populations sur donc la nécessité ou la disponibilité d'une telle mesure qui rend gratuite donc la CMU. Alors nous sommes avec mademoiselle Patinon Diana Evani, chargée de communication donc à la dite direction, Fofana Mariam également chargée de communication à cette même direction, et donc nous poursuivons nos échanges, et la question c'était de savoir s'il y avait suffisamment de médicaments pour les Ivoiriens qui voudraient donc se faire soigner dans nos hôpitaux. Est-ce qu'il y avait vraiment des médicaments? Est-ce qu'on peut se rassurer à ce niveau? Oui, monsieur Koné, à ce jour il y a 737 médicaments pris en compte par la mesure CMU. Wow, c'est énorme, c'est énorme. Ok. Alors, en dehors donc de la disponibilité des médicaments, est-ce que les agents CMU sont disponibles ou présents dans tous les centres de santé publique de Côte d'Ivoire? Oui. Oui. Oui. On peut l'affirmer? On peut l'affirmer. Okay. Que dans tous les centres, que ce soit les CHU, les CHL, les hôpitaux généraux, les centres de santé urbains, ruraux, il y a vous trouverez un agent ou deux, au moins, on va dire, au moins un agent CMU pour vous recevoir et vous aider dans le parcours de soins. Ok. Alors, comment ça se fait généralement quand je vais à l'hôpital avec ma carte? Et surtout, dites-nous déjà, ça va faire deux questions. Quels sont les hôpitaux d'abord qui sont habilités, qui prennent en compte la carte CMU? Est-ce que les hôpitaux, les cliniques privées, est-ce que les pharmacies prennent en compte aussi la carte CMU? Oh non, ce sont les hôpitaux publics, okay. Les pharmacies publiques, les hôpitaux publics, les pharmacies dans les hôpitaux. Ok. Voilà. Donc c'est eux qui nous accompagnent dans cette mesure-là. Ok. Alors, donc, quand je vais, j'ai ma carte, comment je fais pour qu'on me prenne en compte? D'accord, je vais répondre à cette question. Il y a huit étapes. Oui. Donc, la première étape, c'est de présenter sa carte d'assuré à l'agent d'accueil. Oui. Il y a un bureau. Généralement, dans les hôpitaux, vous les retrouverez à l'accueil. Ah, il y a des agents CMU à part. Oui, oui. Oui. Et ils sont avec les agents d'accueil dans les hôpitaux. Il y a un bureau, je crois qu'on appelle ça bureau d'accueil. Ok. Voilà, généralement, ils sont là. Et vous allez trouver les agents CMU. Donc, vous présentez votre carte ou votre récépissé à l'agent CMU. La deuxième étape, c'est le contrôle biométrique. Vous allez effectuer un contrôle biométrique. Voici, c'est vraiment vous avec, pour rentrer votre nom et tout dans l'ordinateur et vérifier que vous êtes vraiment dans la base de données. Oui. La troisième étape, c'est l'édition de la feuille de soins par l'agent d'accueil. Oui. Une feuille de soins. Donc, une fois qu'on a contrôlé que vous êtes effectivement dans la base de données, il va imprimer une feuille de soins en fonction de la consultation que vous voulez faire. Oui. La quatrième étape, c'est le bon de prise en charge qui est renseigné électroniquement ou manuellement par l'agent d'accueil toujours et il vous remet. Et avec ce bon de prise en charge là, vous allez payer maintenant votre ticket modérateur. Oui. Si on est dans une zone urbaine. Oui. Voilà, vous allez payer votre ticket modérateur. Si vous êtes dans un CSR, il n'y a pas de ticket modérateur à payer. Oui. Vous allez directement chez le médecin. Oui. Mais en zone urbaine, vous prenez votre ticket, vous allez payer à la caisse les 30%. Oui. Voilà. Après maintenant, vous vous rendez maintenant avec le reçu à la consultation du professionnel de santé. Oui. Le bon de prise en charge et le reçu de paiement. Bien sûr. Voilà. Et quand vous finissez, vous repartez à l'accueil pour revoir les agents CMU pour retirer votre bordereau. Ok. Voilà. Et puis avec la facturation, eux, ils gardent une page, vous gardez une page. Une page, oui. Voilà. Et puis maintenant, la dernière étape, muni de votre feuillet et de votre carte assurée, vous rendez à la pharmacie pour vous faire servir les médicaments couverts par la CMU. La pharmacie de l'hôpital. De l'hôpital. Ok. Tu as bien noté. Ça fait combien d'étapes? Ça fait huit. Ça fait huit étapes. Et c'est bien noté et bien suivi par nos auditeurs. La question que je voulais poser, c'est de savoir les résultats attendus. Mais bien avant, quels sont les objectifs réels de la carte CMU, de la CMU? Lorsqu'on a une CMU, quels sont réellement quels sont les objectifs, je veux dire? Alors, de la CMU, oui. Les objectifs principaux de la CMU, c'est de réduire les inégalités d'accès aux soins, de lutter contre les dépenses de santé, les catastrophiques pour les ménages, d'offrir une protection sociale à toute la population. Offrir une protection sociale à toute la population. Oui, je retiens effectivement la notion donc d'égalité. Oui, c'est ça. L'égalité des chances et d'accès donc aux soins de santé. Mm-hmm. Alors, quels sont les résultats attendus de cette mesure qui a été prise? D'accord. Les résultats, on peut dire que il s'agit ici d'améliorer l'accès effectif aux soins de santé. Oui. En réduisant les obstacles financiers qui empêchent les personnes enrôlées de consulter un professionnel de santé, en offrant une prise en charge immédiate sans attendre la cotisation, notamment dans les zones rurales où la gratuité est totale. Renforcer l'enrôlement massif à la CMU. Inciter les personnes non encore enrôlées à s'enregistrer grâce à la gratuité des soins et à la simplification des démarches. Atteindre une couverture universelle de près de 20 millions de personnes d'ici 2027. Oui. Voilà. On veut aussi tester à grande échelle le système de gratuité. Okay. Voilà. Observer effectivement le fonctionnement réel du système CMU sans contribution. Oui. Et puis identifier les zones à renforcer, les défis logistiques. Aussi, voilà. Okay. Et puis sensibiliser le grand public à la CMU et ses avantages. Comme je le disais tantôt, nous n'avons pas la culture de l'assurance, de la prévention et tout. Donc, c'est sensibiliser le grand public à la CMU et ses avantages. Lutter contre la désinformation aussi. Oui. C'est vrai qu'au début, il y a eu des problèmes, mais maintenant, il faut que la population se rassure, ça marche, ça fonctionne. Oui, parce que la grande question, c'était de savoir, est-ce que la CMU, là, est-ce que ça marche vraiment? Ça marche. Alors, chers auditeurs, ça marche. Voilà, donc, c'est Patenon qui nous dit ce soir, elle nous confirme que ça marche, et effectivement, on a vu le ministre de la Santé, Pierre Demba, qui a mené des activités qui illustrent véritablement que cette CMU, là, ça marche, et les objectifs poursuivis, ça rassure. Alors, je voudrais savoir la période de la gratuité. On a dit 4 mois, mais ça finit quand? Ça prend fin quand? Ok. La période de la gratuité, c'est du 1er mai au 31 août 2025. Ok, donc ça veut dire qu'on a encore un mois et demi. Oui, c'est ça. Ok, pour ceux qui ne se sont pas encore enrôlés. Voilà. Donc, on va s'enrôler. Voilà. Bien qu'on ne souhaite pas les maladies, mais quand ça arrive, il faudra aller à l'hôpital. Donc, nous conseillons à la population de profiter de la période de la gratuité de la CMU. Oui. Du 1er au 31 août 2025. Du 1er mai, pardon, au 31 août 2025. Oui. Pour vous faire soigner sans payer de cotisation. Sans payer de cotisation. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça veut dire que lorsqu'on finit la période exceptionnelle, forcément, on va reprendre avec, renouer avec les cotisations. C'est exact. OK. Et donc, alors, est-ce que, une autre question, quelqu'un qui est d'une autre nationalité peut s'enregistrer pour la carte CMU? Oui. La carte CMU, c'est pour toutes les personnes résidant sur le territoire ivoirien. Oui. Que vous soyez ivoirien ou non. Une fois que vous êtes sur le territoire ivoirien, okay. Bénéficiez de la CMU. Ok. Alors, merci. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien. J'aimerais qu'on revienne sur les éléments de base, l'essentiel de votre communication ce soir. Donc, la carte CMU, la gratitude de la CMU. Et voilà, donc ça a démarré, comme vous l'avez dit, le 1er mai. Le 1er mai. Oui. Et ça se termine le 31 août 2025. Le 31 août 2025. Oui, c'est ça. Alors, comment fait-on, réexpliquer encore le processus aux auditeurs, comment fait-on pour bénéficier de la gratuité? Et donc, quelles sont les catégories qui sont prises en compte par cette gratuité? Et voilà, donc, comment ça se passe? Rappelez-nous l'essentiel. D'accord. La catégorie visée par cette mesure, c'est le secteur informel. Le secteur informel. Le secteur informel. Donc, ça veut dire que la maman qui vend des arachides, pain... La lessiveuse. Voilà. Ok. C'est toute cette personne-là. Okay. C'est elles qui sont véritablement ciblées. Ok. Donc, pour bénéficier de cette mesure, vous allez vous faire enrôler, si vous n'avez pas la carte. Oui. Vous allez vous faire enrôler. Et dès que vous avez votre carte CEMU ou le récépissé, vous pouvez aller à l'hôpital avec... sans cotisation, je veux dire. Oui. Et vous allez bénéficier de la mesure. C'est aussi, vous le faites pour vous et oui. pour vos enfants également. On n'a pas parlé de ça. Mais ce n'est pas uniquement pour les parents. Les enfants aussi sont concernés. Oui, parce que... Ils doivent avoir leur carte CEMU aussi pour bénéficier aussi gratuitement de... Ah, dans une famille, les parents doivent avoir leur carte CEMU. Les enfants aussi. Les enfants également. Également. Okay. Je vous prends un exemple concret. Il y a eu un enfant qui a eu la mâchoire fracturée. Oui. Il jouait au ballon avec ses amis, il a eu la mâchoire fracturée. C'est avec sa carte CEMU oui. qu'ils ont fait tout. Des soins, de l'opération, tout au CHU de Boaké ici. Oui. Oui. Sans la carte CEMU, on connaît le coût d'une opération. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quel âge on peut enregistrer l'enfant? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Est-ce possible? Oui, moi je dirais de 0 âge parce que moi... Oui. Personnellement, j'ai mon bébé qui n'a pas encore un an, oui. que je viens de faire enrôler. Ok, voilà. Ouais, très beau. Ok, merci pour c'est des informations comme celles-là dont nous avons besoin. Oui, donc on poursuivait voilà. pour dire que les parents pouvaient enrôler les enfants les également. Enfants. Et oui. c'est nous leur conseillons de le faire oui. pour le bien de leurs enfants. Ok. Donc, ça décharge même le oui, parent. Ça décharge le parent. Parce que les enfants font beaucoup de palus, etc. Nous sommes en vacances. Ça court partout, dans tous les sens. Ça tombe, ça se blesse. Oui. Voilà. Donc, avoir cette tranquillité d'esprit, de savoir qu'en cas de besoin, je peux aller avec mon enfant à l'hôpital tranquillement. Sans stress. Sans stress, sans avoir de grands moyens, bien sûr. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, on est sûr, vous avez dit qu'on peut avoir la carte ou le récépissé. Le récépissé. Et aller à l'hôpital avec. Vous avez indiqué 3 centres ici à Boaké. Oui. Les centres, voilà. Oui, l'inspection du travail. Oui. L'auberge de jeunesse, le centre culturel Jacques Aka. Oui. Le CHR, le oui. CHU. Oui. Voilà. Eux, ils sont habilités, je crois, à éditer les cartes. Ok. Bien sûr. Et donc, même si on n'a pas la carte, le récépissé... Le récépissé fait office de carte. Ok. Et avec ça, on peut également se soigner. Se soigner sans souci. Et donc, il nous reste, pour rappel, la durée, le délai de la gratuité, il nous reste que 1 mois et demi à peu près. Oui. Vu que ça prend fin le 31 août 2025. Ok. Alors, je vais vous demander, quel est votre message ce soir à l'endroit donc des parents, des populations qui nous écoutent en ce moment. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez leur partager comme conseil ou pour vous qui êtes dans le domaine, voilà, à propos de la CEMU. Moi, je voudrais dire aux parents que la CEMU, ça marche. Ok. Ça marche vraiment. C'est une chance à saisir pour oui. nous-mêmes, pour nos familles, pour notre entourage. Ok. Donc. Faudrait aller se faire enrôler, nous qui ne sommes pas encore enrôlés, oui. aller se faire enrôler et puis ne pas écouter les mauvaises informations. Oui. Parce qu'il peut y avoir eu de mauvaises expériences, oui. mais il ne faudrait pas rester cantonné là-dessus. Okay. Il y a des mesures qui ont été prises, il y a de l'amélioration et à chaque fois, on essaie Elle de s'améliore. Faire du mieux oui. voilà, que l'on peut pour assurer des soins de qualité à la population. Bien et sûr. Le gouvernement ivoirien tient à cela. Ok. Voilà. Bien noté. Bien noté. Et donc, avec Fofana. Oui, moi je dirais, maman, toi tu assises, tu vends ton attiqué. Oui. Alors, au monsieur qui a son pouce-pouce, le oui. pouce-poussier, je dirais au boutiquier de... Bien sûr. À tous, vous êtes tous concernés. Je pense à nos mamans. Je pense à nos mamans, à Dar es Salaam, village, Belleville. Elles toutes. Voilà, donc oui. Tout le monde. Oui. Donc, il n'y a pas à avoir peur. La CMU est faite pour vous. Elle est à votre disposition. Il faut juste souscrire et payer les cotisations qui sont à 1000 francs par mois après la campagne. À 1000 francs par mois. Oui. Voilà. Donc, et puis. La maladie ne prévient pas. Ça ne prévient pas. Et voilà. Surtout, sans vous couper, on a vécu des épisodes difficiles par moments, des familles où l'enfant de 5 ans qui souffre, qui chauffe, etc. Voilà. Mais on dit, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Non, il n'y a pas l'argent. Voilà, vous voyez. Oui. Quand il y a ces cas qui se présentent, que vous êtes stressé parce que vous n'avez pas l'argent. Mais si vous avez votre carte CMU à votre position, vous partez à l'hôpital sans stress. Avec cette carte-là, on peut vous aider, on peut vous prendre en charge, vous payez vos médicaments facilement, vous aurez l'accès vraiment facile aux soins et aux médicaments. Bien sûr. Donc franchement, je... Oui, et surtout que vous avez donné un bon exemple ici, le bébé qui a moins d'un an déjà que vous avez enregistré, c'est preuve aussi des responsabilités. Oui, et quand nous sommes passés, on n'a même pas pris du temps. Oui. Nous n'avons même pas pris du temps, ils ont fait la photo du bébé, c'était pas facile. Et après quelques, on va dire 30 minutes, on nous a donné nos cartes, c'était avec ses frères, ils ont reçu tous leurs cartes. Nous sommes rentrés avec les récépissés et nos cartes. Ah, oui, parce que après j'ai vu les copies de. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, oui. Une dernière chose, l'enrôlement est totalement gratuit. C'est gratuit. On ne prend pas ces francs. On nous a rien pris. Rien. Oui. Donc, il ne faudrait pas aussi que vous ayez peur de partir parce que vous allez vous dire que vous allez payer quelque chose. Non. Oui. C'est totalement gratuit. Merci. Merci, mesdames et messieurs, auditeurs de la 105.2. Merci beaucoup de nous avoir donc suivis. Nous sommes donc à la fin de cette émission de Max Santé et nous recevions Paténon Diana Evani, chargée de communication à la Direction régionale de la santé, et Fofana Mariam, chargée de communication à la même direction. Elle était là tout à l'heure pour nous parler donc de la carte CMU, de la gratuité, la mesure de gratuité concernant donc les secteurs informels. Voilà, donc merci beaucoup, merci à tous et à toutes, et d'ici le vendredi prochain, nous vous souhaitons de bien vous porter. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief de la semaine. Nous allons parler de l'actualité et surtout au menu en ce jour, voilà donc Miss Côte d'Ivoire édition 2014, qui présente des signes qui inquiètent donc son entourage. Merci beaucoup. Kobe ganyana bo koroni klebi le togo ye jela bo herebe ngolo la susi ube bana kamama la higi otoro de tora na folo soro la poner nana kote na bineka kobe de nyana masombe tomu la bebe ga reklame bibina neka siksebe ga amblame malira puta ra kobe ne kola ne jugu beta bali bana na bula ala ye pomi ge jose BKFM, premier média certifié de Côte d'Ivoire selon le programme GTI et CWA 17493. Max Santé. Max Santé. C'est votre magazine de santé hebdomadaire avec Barthélémy Kone et ses spécialistes. Max Santé, c'est tous les vendredis à 15h sur la radio qui va jusqu'au bout du monde. Max Santé, la seule et unique salle de consultation radiophonique.